Chapitre 6e. Ikuteruka était trop fin pour montrer qu'il s'était aperçu de quelque chose. Il continua à avancer ni plus vite ni plus lentement. Mais tout en marchant, il s'arrangea de façon à reconnaître son suiveur. Ce n'était autre que Tambol. Ikuteruka, voulant faire croire à l'hindou qu'il ne l'avait pas vu, se dirigea tranquillement vers son hôtel. Il y entra et gagna sa chambre où il se coucha. Il dormit jusqu'à 8 heures du matin et passa la journée à faire différentes courses sans intérêt. Il devinait qu'il serait suivi. Ce fut en effet ce qui arriva. À 10 heures du soir, Ikuteruka alla se coucher, mais il ne s'endormit pas. Eh bien, il fit. Car vers le milieu de la nuit, il entendit un crissement imperceptible. L'on venait d'introduire une clé dans la serrure de la porte de sa chambre. Il saisit son pistolet et attendit. La porte s'ouvrit. La tête inquiète de Tambol apparut par l'entrebâillement. L'hindou, ayant vu Ikuteruka étendu dans son lit et qui ronflait paisiblement, s'enhardit. Il entra, tira de sa ceinture un petit paquet enveloppé de papier qu'il déplia. Il contenait une poudre blanche qu'il versa dans la carafe posée sur le guéridon à la tête du lit. Cette opération terminée, Tambol allait se retirer lorsque le détective, bondissant soudain hors de son lit, le saisit à la gorge en même temps qu'il lui plaçait la gueule de son pistolet sous le nez. « Tu vas tout de suite me dire qui t'emploie, ton maître, et quelle est cette excellente poudre que tu viens de jeter dans ma carafe. Dépêche ou je te fais arrêter. » Ikuteruka avait tout prévu, que Tambol nierait, qu'il se débattrait, qu'il avouerait, qu'il se tairait, mais il n'avait pas prévu ce qui arriva. Tambol, d'une violente secousse, se dégagea et, saisissant la carafe, la porta à ses lèvres et en but la moitié du contenu. Son acte fut si soudain, si rapidement exécuté, que quand Ikuteruka, revenu de sa surprise, arracha la carafe des mains de l'hindou, il était trop tard. « Nous allons bien voir !» commença Iko furieux, mais il sentit le corps de Tambol frissonner avec violence. Les yeux de l'hindou se rébulsèrent, il ouvrit la bouche, laissa échapper un râle de souffrance, et s'affaissa entre les mains du détective japonais. Il était mort. Ikuteruka, rappelant son sang-froid à lui, étendit Tambol sur le lit et chercha à le ranimer. Mais tout fut inutile. Le célèbre détective eut un haussement d'épaule ennuyé, puis entreprit de fouiller l'hindou. Les vêtements de cotonnade dont était habillé Tambol ne contenaient pas grand-chose. 14 roupies, un court poignard et une trousse de fausse clé, celle qui lui avait servi à ouvrir la porte de la chambre. Ikuteruka remit le tout dans les poches du mort, puis sans bruit, il s'habilla complètement et sortit de l'hôtel. S'étant bien assuré qu'il n'était pas suivi cette fois, il s'en fut immédiatement prévenir la police et laissa des instructions pour que le corps de Tambol fût enlevé secrètement. Il ne fallait pas que les mystérieux bandits, dont l'hindou était l'auxiliaire, sussent ceux qui étaient devenus leurs complices. Ikuteruka passa la journée à épier la maison de Martin Sulak. De discrètes interrogations aux commerçants du voisinage lui apprirent que le représentant de la compagnie d'appareillage électrique de Budapest était parti en voyage. « Voilà un voyage bien bizarre, » pensa le détective japonais. Mais cela ne le consola pas. Ce fut en vain qu'il essaya de savoir quand Martin Sulak était parti et où il était allé. Personne ne put le renseigner. Après avoir dîné, Ikuteruka regagna sa chambre où le corps de Tambol avait été enlevé. Assis dans un fauteuil, le célèbre détective resta longtemps immobile à réfléchir. L'affaire était encore plus embrouillée qu'il ne l'avait cru. Jusqu'alors, il n'avait encore rien découvert d'intéressant. Tambol s'était tué, ce qui prouvait combien son cas était grave. Et Martin Sulak était probablement en fuite. Quant à Gilcott, nul ne pouvait dire où il était. Ils sont encore plus forts que Friedrich Spieder et Kleinbot. Cela, pensait Ikuteruka, songeur. Mais peu à peu, il sentit qu'il s'assoupissait. Il voulut réagir, pris d'un sinistre pressentiment. Pesamment, il se dressa de son fauteuil, mais ses jambes fléchirent sous lui. Il eut cependant la force d'atteindre la poire de la sonnerie électrique, suspendue à la tête de son lit, et appuya sur le bouton. Cet acte si simple usa ses dernières forces. Il s'affaissa sur le tapis, incapable de bouger dorénavant. Il attendit. Sa tête lui semblait de plus en plus lourde et une sorte de buée semblait s'amasser devant ses yeux. Personne ne vint. Ikuteruka, la gorge serrée, sentit qu'il s'endormait. Sa dernière pensée fut qu'il avait dû être empoisonné. « Je suis perdu », se dit-il. Ses yeux se fermèrent et il perdit connaissance.